Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, ça m'évitera de tenir le micro, ce sera plus simple. Alors effectivement, il m'appartient de clôturer cette journée en évoquant l'un des usages de l'eau qui a été évoqué cet après-midi, l'eau pour commercer, en évoquant la création du port rhénan de Strasbourg. Alors Strasbourg, hein, vous avez ici une carte de 1837 et établie sur... Pas grand chose. Bon, la qualité est pas très bonne de l'écran. Voilà. Vous avez donc la ville de Strasbourg qui est ici, hein, qui est établie sur l'île qui est ici, le canal de la Bruche, et qui arrose donc la ville de Strasbourg qui est là, à proximité donc du Rhin qui est ici, qui est déjà canalisé, mais sur l'autre carte qui était plus intéressante, mais que la qualité de l'écran, on va peut-être. Non, on ne voit rien du tout. Hein, c'était vraiment un lacis de cours d'eau, et là on a déjà donc le Rhin qui est canalisé. Alors l'eau et les activités portuaires ont beaucoup joué un rôle important dans le développement de la ville de Strasbourg, qui dès ses origines donc dispose d'installations portuaires pour ravitailler les légions romaines d'Argentoratum. Avec, vous voyez ici, une reproduction d'une mosaïque qui montre le type de marchandises qui sont transportées, hein, à savoir des céréales, des amphores pour l'huile, le vin, de l'armement, de l'outillage, des ustensiles. Bref, un commerce déjà important, donc qui transite par l'île et qui permet donc de gagner le Rhin. Dès le XIIe siècle, la ville tire profit donc de sa position sur la voie commerciale entre les Pays-Bas et l'Italie du Nord pour donc prospérer sur un commerce de transit qui va se localiser autour du site de l'ancienne douane que vous avez à l'écran ici. C'est vrai que la qualité n'est pas très bonne, mais j'espère que vous le distinguez quand même. Où on va donc établir des entrepôts, la douane et un certain nombre d'embarcadères, et où les péniches vont donc livrer les céréales et le tabac cultivé dans la plaine d'Alsace, et donc être le lieu de tout ce commerce de transit qui va donc transiter depuis les Pays-Bas jusqu'à l'Italie du Nord. On est alors là, il va falloir me croire sur parole aussi, mon écran est beaucoup, beaucoup plus intéressant. On a donc ici la ville de Strasbourg, et donc on le voit, on est bien en retrait du Rhin qui est ici, hein, donc là qui est un lacis de canaux, qui n'est pas du tout encore canalisé et qui est difficilement aménageable du fait des crues et de l'instabilité des chenaux. Alors à partir de 1826, on va procéder à des travaux d'endiguement du Rhin, depuis Mannheim que vous avez ici jusqu'à Bâle, de 1826 à 1840 entre Mannheim et Lauterbourg, et ensuite entre Lauterbourg et Bâle à partir de 1840. Ces travaux vont avoir pour conséquence d'augmenter le cours du Rhin. La vitesse donc du cours du Rhin et va donc rendre impraticable le cours supérieur du Rhin pour une période assez longue, de fait que Mannheim va progressivement devenir la tête de pont et le terminus de la navigation rhénane, et va s'opposer aux velléités de Strasbourg d'essayer de conserver donc et de permettre donc aux bateaux rhénans de remonter jusqu'à Strasbourg. En 1870, au moment de l'annexion, Strasbourg a perdu donc son statut de port rhénan, et malgré le percement de nouveaux canaux, hein, canaux de la Marne au Rhin et du Rhône au Rhin, la ville recourt de plus en plus au chemin de fer, plus compétitif pour ses échanges commerciaux tournés vers la France. Au moment de la guerre de 1870 et du traité de Francfort de 1871, l'Alsace-Lorraine est rattachée donc au Reich allemand, de sorte que les Strasbourgeois vont se trouver dans l'obligation de retrouver des voies commerciales vers l'Est. Hein, et donc, dans cette perspective-là, la maîtrise du commerce rhénan va devenir tout à fait indispensable pour concurrencer ses principaux concurrents, au premier rang desquels le port de Mannheim. Et donc, toute la politique de la ville de Strasbourg va être tournée dans ce but-là, de mettre en place des infrastructures pour retrouver un port rhénan. Dès 1872, première initiative, on projette donc ces infrastructures et on va réaliser ici un canal de jonction que vous avez là, qui contourne le centre-ville par le sud et qui met en relation donc le canal du Rhône-Rhin qui est ici et le canal de la Marne-Rhin qui est là. Et donc on contourne tout le centre-ville par ce canal de jonction qui est ici. C'est une initiative de la ville de Strasbourg. Hein. Durant toute la période allemande, ce sera vraiment la municipalité qui va être à la manœuvre pour mettre en place des infrastructures pour se doter de ce port rhénan. Donc vous avez ici une vue du canal de jonction hein, qui contourne, donc, comme je l'ai dit, le centre-ville par le sud. Parallèlement, donc, la ville de Strasbourg, sur ses deniers, donc, décide la mise en place d'un port fluvial qui est ici. Hein, c'est le bassin de la porte de l'hôpital, mais c'est un bassin qui, même s'il est doté de quais, de grues et de terre-plein, est ici limité par une écluse et un pont, ce qui fait que les bateaux rhénans ne peuvent pas remonter jusqu'ici, et donc ce port sera limité aux péniches de canaux. Hein, et donc ça reste un port de canal, même s'il est relié ici à la voie de chemin de fer Strasbourg-Kehl, on n'a pas encore un port rhénan puisque les bateaux ne peuvent pas remonter et sont bloqués à ce niveau-là. Donc de fait, Strasbourg reste encore à l'écart des grands courants commerciaux rhénans et très rapidement donc, va prendre une nouvelle initiative dans la création entre 1886 et 1892 du port de la Porte des Bouchers, devenu par la suite le port d'Austerlitz, hein, qui se met en place également le long de ce canal de jonction. Hein, on va être ici, par ici, hein, également donc le long de ce canal de jonction, mais dans la première zone de défense allemande. Ce qui fait que vous avez une contrainte, on est en zone non edificandi, et on a donc simplement des constructions très légères qui peuvent être mises en place, construction en bois et en fer et qui n'excède pas 15 mètres hein, pour des questions de sécurité militaire. Ce port de la Porte des Bouchers va être très vite gagné par le commerce qui y installe, comme vous le voyez, des entrepôts qui sont ici hein, sur la rive nord. Et sur la rive sud, on a plutôt des chantiers qui reçoivent du charbon, du bois, de la houille, etc. Parallèlement, donc, on met en place sur le Rhin des remorqueurs plus puissants et on drague les alluvions du lit du fleuve, ce qui permet aux bateaux donc, de remonter au-delà de Mannheim et de gagner Strasbourg. Très rapidement, l'ensemble des terre-pleins est totalement saturé. Hein. Il y a une vraie réussite sur cette implantation. Hein. Il faut dire que les chalands rhénans, même s'il y a une écluse qui les sépare du Rhin, peuvent accéder. Hein, mais très rapidement, dès 1896, l'ensemble des installations est saturé. Et ce qui pousse la municipalité de Strasbourg, toujours elle, hein, toujours le pouvoir municipal, à envisager une troisième phase d'expansion des installations portuaires qui va se matérialiser ici, donc à l'est de la ville. Hein, là, vous avez la ville historique, vous avez le cours du Rhin qui est ici, et donc sur ce qu'on appelle l'île aux épis qui est ici, hein, donc qui est délimitée par le cours du Rhin et l'un de ses bras, le petit Rhin. On va donc percer de nouveaux bassins, le bassin du commerce qui est là et le bassin de l'industrie qui est ici hein, et qui est, comme vous le voyez, en liaison directe avec le Rhin, sans écluse, et c'est vraiment l'ouverture de la ville sur son fleuve. On a également donc un raccordement à la ligne de chemin de fer Strasbourg-Kehl et une grande gare de marchandises qui est ici, qui est installée sur place. Et pour installer donc ce qu'on appelle aujourd'hui le port du Rhin, on utilise donc le modèle de Mannheim où coexistent un port industriel et un port de commerce. Et de fait, donc sur le port, sur le bassin du commerce, donc on envisage l'installation d'entrepôts, de magasins et de chantiers pour recevoir donc des matériaux. Et sur le bassin de l'industrie, on va donc localiser des entreprises productives, notamment qui recourent à des matériaux très lourds et comme on va le voir tout de suite. Alors l'occupation de ces entrepôts va prendre quelques années, hein, s'échelonner jusqu'à la Première Guerre mondiale et va être complétée d'ailleurs d'installations industrielles après le retour à la France. Mais dès 1899, on fait édifier la capitainerie du port, hein, qui commande l'extrémité sud du bassin du commerce, avec un bâtiment, vous voyez, hein, un peu grandiloquent, hein, je dirais, de style historisant, avec ses pignons à redans, là, son donjon décoré de faux mâchicoulis ici. Hein, donc c'est un bâtiment un peu démonstratif, un peu ostentatoire, qu'on doit à l'architecte strasbourgeois Gustave Obertur. Sur le bassin du commerce, on fait édifier, quand je dis « on », c'est toujours la ville, hein, toujours la ville qui est à la manœuvre. La ville fait édifier des magasins, hein, notamment pour emmagasiner des céréales. Vous avez là le premier bâtiment mis en place dès 1900, hein, et qui, malgré son décor un peu néo-gothique, est un bâtiment qui se caractérise par la modernité de sa mise en œuvre, puisque c'est un bâtiment qui est intégralement réalisé en béton armé, à une époque où ce procédé constructif est vraiment à ses balbutiements. Par la suite, donc, le bassin du commerce se couvre d'autres entrepôts. Hein, vous en avez un ici, hein, de part et d'autre. Hein, vous en avez un ici, vous voyez ce que ça donne. Hein, donc, les chalands arrivent et il y a vraiment toute une activité qui se fait là, autour du bassin du commerce et qui décharge et recharge les marchandises. Vous avez également ici des dépôts de houille, des dépôts de charbon et de bois. L'industrie également est présente, hein, avec notamment de puissantes minoteries. Vous avez là les grands moulins de Strasbourg, hein, qui est un bâtiment, un site industriel tout à fait important, qui a été malheureusement démoli lors de la Seconde Guerre mondiale, mais dont il subsiste ces silos monumentaux, également en béton armé, qu'on doit aux architectes assez connus, Brion et Haug. Donc il y en a un ici, il y en a là, ils sont conservés toujours actuellement sur place. Le bassin de l'industrie, donc, qui est ici, hein, le bassin du commerce étant là, vous avez le bassin de l'industrie, lui reçoit donc, comme je vous l'ai dit, des entreprises productives d'assez grande ampleur, hein, qui ont besoin donc du transport par voie fluviale, et notamment les laminoirs qui sont établis ici dès 1900 par les établissements Wolf, Netter et Jacobi. Hein, on recense également une très grande scierie ici, une fabrique d'asphalte, une fabrique d'huile, une fabrique de vernis. Hein, donc on le voit, hein, tout ça donc, concentre des industries assez lourdes. Et ce nouveau bassin, donc ce nouveau port du Rhin, permet au trafic rhénan strasbourgeois littéralement d'exploser, puisqu'on passe de à peu près 500 000 tonnes en 1901 à plus de 2 millions de tonnes de matériaux en 1913. Et ce trafic repose pour près de la moitié sur des entrées de charbon et pour un bon tiers sur des entrées de céréales. Par la suite, au moment du retour à la France, et pour permettre l'extension de ce domaine portuaire, on crée le port autonome de Strasbourg, qui est un établissement public qui associe l'État et la ville de Strasbourg. L'ensemble du foncier des installations municipales est cédé donc à ce nouvel organisme, et l'État, de son côté, s'engage à doubler la superficie de quais existants. Et cette extension va se caractériser par la création du bassin au pétrole, ici, hein, donc au nord du port du Rhin, que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein, on est vraiment sur la frange est là, de la ville, hein, en bordure du Rhin. Et le percement du canal du bassin Vauban, qui va permettre donc l'extension un peu plus tard vers le sud. Mais entre-temps, donc, un événement dramatique impose au port autonome de se pencher sur le port d'Austerlitz, hein, le second port dont je vous ai parlé, qui est beaucoup plus proche de la ville, hein, qui était en première ligne de défense allemande, puisqu'un incendie ravage en 1928 ravage les entrepôts. Et donc le port autonome va reconstruire ses entrepôts en demandant à l'architecte Gustav Umdenstock de créer des bâtiments d'entreposage, hein, et donc ce sont des bâtiments en béton armé, hein, qu'on voit ici, qui se caractérisent vraiment par leur gris structurel apparente en béton armé et un remplissage en briques rouges, hein. Ce sont vraiment des bâtiments qui ont été et sont encore des marqueurs architecturaux identitaires forts de ce quartier-là. Hein, voilà, c'est des bâtiments qui sont extrêmement connus à Strasbourg et qui ont une vraie présence et qui ont vraiment marqué l'identité de ce lieu. À partir de 1933, l'extension va se faire vers le sud, hein, donc avec le bassin Vauban que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été percé donc en 1931, et l'extension vers le sud avec, là aussi, hein, faut me croire sur parole, mais je peux vous le montrer à l'écran, c'est plus lisible. Vous avez six nouvelles darses qui sont prévues, donc quatre seulement seront réalisées entre 1947 et 1971. Et voilà, en guise de conclusion, je vous livre le plan du port de Strasbourg actuel. On voit bien, donc, enfin, j'espère vous l'avoir démontré, que l'implantation géographique du port s'est faite selon un mouvement, je dirais, en spirale, depuis le centre historique vers les marges est de la cité. Et aujourd'hui, donc, on a une extension assez importante de plus de 1000 hectares, hein, 1050 hectares exactement, mis à disposition de plus de 300 entreprises. Et c'est actuellement en France le deuxième port fluvial du pays, après celui de Gennevilliers en Île-de-France. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions.